peu d'oseille, change de thème. Pour la plupart, moi je suis toujours le même. 500 000 albums plus tard, je me pose toujours impeccable. Mon flow arrive en bécane, tiers fuit comme un coup franc de Beckham. Le son qui sort à 09 net. On a commencé Mino, vomino trip au mic, pas là pour plaire aux meufs, mec. Que des braves sur la blouse, tu piges, on a le blues des esclaves. 1m92 sans qu'on me cultive. C'est à la craie cordes au bout du fil. Demande la peine de mort pour pointeur et pédophile. J'suis qu'un fauve parmi les hommes. Négro, négro, plus rien m'étonne, plus rien me désole. La concurrence tente l'impossible. Ta gueule au fond d'une bassine d'acide. Mon groupe assassine, t'es pris pour cible. Envoyé pour piller village, ville et campagne. Roger la tête dans les nuages, la bite dans le champagne. Check. J'ai la démarche du rap français, d'un Glock j'ai la démarche. Ça passe ou ça casse, ou je brasse ou je trépasse. Beaucoup de broliquats, du 9-2 au 20-1. Tester c'est délicat, comme coffret un 5-20. La faucheuse à la carte vitale, mon son dans les cervicales. Paris voilà j'arrive, underground comme Spa Jarry peut m'impressionne. Les rappeurs sucent pour qu'on les pistonne. Votre honneur leur rap est dead, j'suis innocent comme O.J. Simpson. Alors tu te demandes pourquoi je continue. Parce que j'ai à faire d'autres mises à l'amende. Discontinue avant de partir, des fois aérer bien ou de keuf, j'ai la couleur du martyr. Ils ont mon seum dans les sub-cellules. Promenade parloir N, c'est PPN, un grand classique. J'ai rendu magique les BPM et on laissera toujours des traces, négro. Partout on passe, Tin and Juice, B2O au micro, je te nique ta race, moi. S'te plaît. J'arrive au tribunal frais en Air Force, en marité. MC poursuivi pour rime contre l'humanité. Je vais sûrement prendre perpète, préparer les mandats. Moi je suis toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Gardez-moi la meilleure cellule, loin du bureau des SS. J'arrive avec un portable G4 et la DSL. Je prends pas le mic pour que la banlieue se fâche. Je suis là pour tout découper, B2OB, Astero H. Y'a des balances qui plaident, des coups de fusil qui se perdent, des bons français qui se plaignent, des familles qui saignent. Alors j'opère en solo dans le chaos total, n'ayez crainte, j'suis pas dangereux. J'ai ni cravate ni barbe, j'ai failli sauter sur une mine en regardant une carte postale. J'vais débarrasser le bitume, m'arracher sur une île, faire un peu de bif ailleurs, fermer le local. Y'a plus personne ici d'ailleurs, croisant ma boîte vocale. Biatch.